De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et je vais ouvrir cette deuxième partie d'émission par une question. Dans un couple, qui, du père ou de la mère, prodigue le plus de soins parentaux aux enfants? Eh bien, dans la nature, sachez que peu importe les espèces, les femelles sont généralement plus impliquées que les mâles dans les soins parentaux, mais il existe des exceptions à cette règle. Depuis quelques années, les chercheurs s'intéressent à ces pères qui s'investissent pour s'occuper de leur progéniture. Ces pères exemplaires ne sont pas seulement des mammifères, mais aussi des invertébrés, des poissons, des oiseaux, des amphibiens. Et nous allons les découvrir avec Adèle Mazurek. Bonjour Adèle. Bonjour Valérie. Ça me fait vraiment plaisir de revenir pour une nouvelle année à Futur Simple. Eh bien, on est bien ravie de t'accueillir, figure-toi. Et justement, pour cette rentrée, en tout cas pour ma rentrée à moi, j'ai choisi de vous parler de comportement paternel, puisqu'il s'agit d'un sujet relativement récent en éthologie. Pendant longtemps, en fait, l'étude du comportement parental était réduite au comportement maternel, mm-hmm. et notamment chez les mammifères. Et aujourd'hui, les chercheurs tentent de comprendre pourquoi chez certaines espèces, c'est le père qui s'occupe des petits. Alors, pour vous en parler, j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle « De mâle en père », donc qui est très complet sur ce sujet, de Franck Sézilly, qui est un biologiste et professeur à l'Université de Bourgogne en France. Alors, ça peut peut-être sembler évident de prime abord, là, mais dans le fond, qu'est-ce qu'un père ? Alors, d'un point de vue strictement biologique, évidemment, pour être un père, il faut remplir deux conditions. Ouais. Alors, la première, c'est qu'il faut que le mâle ait combiné ses gènes, donc son information génétique, mm-hmm. avec ceux d'une femelle pour produire une descendance. Mais il faut aussi qu'il apporte des soins à sa progéniture. Donc ça, c'est la deuxième condition, apporter des soins à la progéniture. Oui. Et j'imagine donc que cette deuxième condition est importante. Alors, comment expliquer qu'au cours de l'évolution, des mâles se sont mis à apporter des soins à leur progéniture et soient devenus pères ? Alors, il faut déjà savoir que les comportements parentaux, qu'ils soient maternels, paternels ou même biparentaux, ne sont pas systématiques. Alors, c'est sûr que chez l'homme et la plupart des autres mammifères, ils sont primordiaux, on le comprend bien, on serait totalement incapable de se débrouiller toute seule à notre naissance. Mm-hmm. En revanche, chez d'autres espèces, et une majorité d'ailleurs, les soins parentaux sont très courts, voire inexistants. Mm-hmm. Alors, pour assurer la survie de leur progéniture, par exemple, les femelles vont pondre plus d'œufs avec plus de nourriture à l'intérieur, comme ça les petits seront capables de se développer tout seuls. Ils ont leur garde-manger autour d'eux quand ils naissent. Voilà. Alors pourquoi le mâle, à un moment donné, a joué un rôle conséquent dans des soins parentaux chez certaines espèces? Alors comme tu l'imagines, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte, on n'a pas forcément le temps d'en parler ici, mais rapidement, la cause principale, c'est la répartition dans l'espace des ressources qui sont essentielles à la survie de l'individu et à la production de jeunes. Donc je parle par exemple de ressources alimentaires. Alors imaginons que les ressources sont très concentrées dans l'espace. Mm-hmm. Donc dans ce cas-là, les femelles n'ont pas d'autre choix que de partager cet espace avant d'être elles aussi concentrées autour de ces ressources-là. En revanche, dans le cas où les ressources sont dispersées, les femelles vont l'être aussi. Mm-hmm. Alors c'est dans ce cas-là que ça va être difficile pour des mâles de contrôler un territoire avec plus d'une femelle, puisque les territoires vont être vraiment très espacés les uns des autres. Ah oui, mm-hmm, d'accord. Alors, au fil du temps, donc évidemment, là on parle de milliers d'années, hein, ça se fait pas en une génération, il va s'installer une sorte de monogamie et le mâle va gagner à s'investir dans les soins parentaux. Donc pendant que lui il va s'occuper des petits, la femelle va moins s'investir, donc elle va vivre plus longtemps et éventuellement le nombre et la qualité de la progéniture sera plus élevé. Et ça, c'est un gros avantage pour mm-hmm. le mâle pour perpétuer son espèce. Bah oui, c'est ça. Donc est-ce qu'il existe des soins paternels? Bon, parce que là on parle des mammifères. Mais est-ce qu'il existe des soins paternels chez les invertébrés ? Alors, les soins parentaux, de façon générale, sont très rares dans ce groupe, tout simplement parce que les parents sont souvent incapables de protéger leur progéniture face à des adversaires de taille ou aux aléas ouais. de la nature. Ils investissent en général plutôt dans une grande quantité d'œufs, donc il y en a quelques-uns qui vont survivre sur cette grande quantité plutôt que de procurer des soins. Mais il y a quand même des exceptions où la femelle va s'occuper des jeunes, mais aussi le mâle. Alors, je vais prendre le cas du mille-pattes Brachycibe nodulos. Donc, c'est des mille-pattes qui sont originaires du Japon et de la Corée du Sud. Et donc, ces mâles-là vont prendre les œufs, vont les amener à l'abri sous un tronc d'arbre en décomposition, puis ils vont s'enrouler autour d'eux pour les protéger, notamment des infections causées mm-hmm. par les champignons qui causent beaucoup de décès. Mm-hmm. Donc, un curieux exemple, effectivement. Puis, bon, on a un peu parlé des poissons plus tôt dans l'émission. Donc, comment ça se passe chez les poissons, chez qui, pour la majorité des espèces, la fécondation est externe. Donc, est-ce qu'il y a quand même des mâles qui apportent leurs soins? En effet, étant donné que la femelle dépose ses ovules et que le mâle vient ensuite les féconder. Des fois, il n'y a aucune rencontre entre le mâle et la femelle. Ça peut paraître un peu difficile qu'il y ait des soins parentaux. Et pourtant, chez 30% des environ 500 familles de poissons, il existe des comportements parentaux. Et pour 78%, ce sont des comportements monoparentaux. Mmh. Et souvent, le mâle est investi dans ces comportements-là. Alors souvent aussi c'est assez atypique. Alors on pense évidemment tout de suite aux hippocampes dont les mâles en fait portent les œufs dans leur poche ventrale. Ça c'est un exemple quand même assez connu. Mais aussi chez des espèces de tilapia d'Afrique de l'Ouest, le père prélève les œufs après les avoir fécondés et les incube dans leur bouche pendant 5 jours. Et ensuite une fois qu'ils ont éclos, il les garde encore une semaine dans la les bouche. Les petits poissons dans la bouche. Les alvins, ouais. Là. Ouais. Bah oui, ça les empêche en fait d'être soumis aux prédateurs. Ouais. Puis, ils sont bien à l'abri. Il est bien gentil, ce papa tilapia. Et chez les amphibiens, les comportements parentaux ne doivent pas être courants, étant donné que les adultes et les juvéniles vivent dans des milieux différents. Bon, il y a le tétard, il y a la grenouille, donc on a du mal à imaginer les adultes qui vont prodiguer des soins à des tétards qui vont vivre dans d'autres milieux. Oui, bah oui, tu as raison. Les soins parentaux sont encore plus rares, puisque, comme tu dis, les tétards sont dans l'eau, les adultes sont souvent sur la terre. Et pourtant, on y trouve quand même des papapoules chez les amphibiens. Mmh. Alors, l'exemple qui est souvent cité, c'est les crapauds accoucheurs qui enroulent déjà tout d'abord autour de leur patte arrière les rubans d'œufs au fur et à mesure que la femelle les pond. Donc, d'ailleurs, mmh. c'est pour ça qu'on les appelle les crapauds accoucheurs. Et puis ensuite, pendant un mois, ces œufs qui sont entourés autour des pattes, ils vont les tremper régulièrement dans l'eau jusqu'à ce que les tétards soient prêts à éclore. Mmh. Alors ici, l'environnement joue un grand rôle, tout simplement parce que ces espèces vivent dans le sud-ouest de l'Europe et au Maroc, où le climat peut être parfois très sec et les mares peuvent vite s'assécher. Ah ouais. Si les œufs étaient laissés dans l'eau, comme la plupart des autres espèces le font, les œufs ne survivraient pas, mmh. tout simplement. Et maintenant, chez nos amis à plumes, donc les parents ont l'air, on peut le voir des fois, là, les couples d'oiseaux, on a l'impression que ça s'échange les rôles, à tour de rôle, pour aller nourrir les petits. Donc là, il y a des comportements parentaux pour le père également. Il s'agit d'ailleurs majoritairement de soins biparentaux, donc où la mère et le mâle sont investis. Ça se comprend très bien aussi dans ce cas-là, puisque de nombreuses espèces sont nidicoles, c'est-à-dire que les petits naissent aveugles et nus, donc mm-hmm. ils auraient du mal à se développer tout seuls. Et il y a environ 1 à 2% des espèces qui montrent des soins monoparentaux mâles cette fois-ci. Alors, deux exemples que j'ai trouvés assez intéressants. Le talégal de l'Atam, qui est originaire d'Australie, lui construit des monticules pendant de longues heures dans lesquelles les femelles vont venir pondre leurs œufs. Et ensuite, il va se placer dessus et il va veiller à la bonne température dans la chambre incubatrice jusqu'à ce que les jeunes puissent sortir et aussi les défendre contre des prédateurs. Finalement, c'est lui qui couve. Un peu, ça. Et chez les meux, cette fois-ci, le mâle se débrouille tout seul pour couver les œufs pendant 56 jours. Et là, c'est un gros sacrifice parce que pendant 56 jours, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne défèque pas. En fait, il vit sur ses réserves de graisse. Mm-hmm. Et alors, venons-en maintenant à une classe d'animaux qui nous concerne d'un peu plus près, les mammifères, où les soins parentaux sont presque obligatoires, tu disais au début. Donc, le mâle est-il souvent investi? Pas tellement, c'est quand même limité à quelques espèces et souvent la nature et l'intensité des soins varient beaucoup d'une espèce à l'autre. Alors par exemple deux exemples, le protel qui est un animal qui est proche des hyènes mm-hmm. mais qui contrairement à la hyène se nourrit de termites. Mm-hmm. Alors là, lorsque les femelles ont mis bas, elles doivent reconstituer leurs réserves énergétiques et partir de longues heures à la chasse aux termites, sinon elles mourraient en fait de fatigue. Et donc c'est pendant ce temps-là, c'est les mâles qui restent auprès des jeunes et qui s'en occupent, les protègent, les nourrissent. Mmh. Sinon on a l'exemple du marsupial aussi, donc une espèce particulière Petropsoedes d'Ali, et là les jeunes développent un lien étroit avec leur père et même plus étroit avec leur père qu'avec leur mère. Ça c'est assez rare quand même. Et alors on va terminer avec un drôle d'animal nous-mêmes, donc peux-tu nous en dire plus sur l'implication du père chez l'humain moderne? Alors, c'est assez compliqué à étudier, j'imagine, parce que la participation des pères dépend de nombreux facteurs, mm-hmm. Comme le degré de développement économique du pays, l'importance des croyances religieuses, le niveau de démocratie. Enfin, de manière plus générale, au sein des sociétés industrialisées, ce qui ressort, c'est que les pères sont de plus en plus pères. Mm-hmm. Alors, il y a une implication beaucoup plus importante des hommes dans les tâches parentales, et ce, depuis le début du siècle, et notamment avec l'émancipation des femmes. On comprend bien que la femme a un rôle plus important maintenant dans la vie tous les jours, puis le père s'investit plus. Elle travaille, donc ça demande plus un partage des tâches vis-à-vis des enfants. Oui. Mm-hmm. Alors, ben, pour terminer cette chronique, je vous conseille vivement la lecture de Mal en Père, si vous voulez en savoir plus, parce que là, on a juste effleuré le sujet. Et puis, en plus, le livre est disponible dans les bibliothèques de Québec. Puis, donc, ça se lit bien. Il y a des passages un petit peu compliqués, mais c'est quand même très vulgarisé. Ouais. Puis, ça se lit. On n'est pas obligé de lire tout d'un coup. On peut juste un moment s'arrêter, puis lire picorer un petit paragraphe. Ouais, c'est ça. Ben, on doit y découvrir bien des bizarreries de la nature, comme celle que tu nous as racontée ici. Donc, merci beaucoup, Adèle. Merci. On passe en pause musicale sur ces KRL au 89.1 et au retour, on vous parle de bijoux en or à la préhistoire.